sorti ici tout à l'heure et qu'on ne répute pas. Allons, te l'on détale de chez moi, maître juré filou, vrai gibier de potence. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard. Et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents? Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, pondard, me demander des raisons. Sors vite, que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sors. Mon maître, votre fils m'a donné ordre de l'attendre. Va-t'en l'attendre dans la rue. Et sois point dans ma maison, planté tout droit comme un piqué. Observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévorent ce que je possède et furettent de tous côtés pour voir s'il garde à le voler. Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable, quand vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Je veux renfermer ce que mon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Ne voilà point mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, coquin, je ne dis pas cela. J'en crache. Je te demande si malicieusement tu n'irais point faire courir le bruit que j'en ai. Que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. Tu fais de raisonneur. Je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles. Sors d'ici, encore une fois. Eh bien, je sors. Attends. Ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterais? Viens, ça que je vois. Montre-moi tes mains. Les voilà. Les autres. Les autres? Oui. Les voilà. N'as-tu rien mis ici, dedans? Voyez-vous même. Ces grands hauts de choses sont propres à devenir les selleurs des choses qu'on dérobe. Et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un. Ah, oh, qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint. Et que j'aurais de joie à le voler. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? Ce que je dis. Oui. Qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Mais de qui veux-tu parler? Des avaricieux. Et qui sont-ils, ces avaricieux? Des vilains et des lâches. Mais qui est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois. Mais je veux que tu me le dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle... À mon bonnet. Et moi, je pourrais bien parler à ta paraître. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non! Je t'empêcherai jamais d'être insolent. Tais-toi! Je ne nomme personne. Je te rosserai si tu parles. Qui se sent morveux, qu'il s'amouche. Te tairas-tu? Oui, malgré moi. Ah! Tenez, voilà encore une poche. Êtes-vous satisfait? Allons, rends-le-moi, sans te fouiller. Quoi? Est-ce que tu m'as pris? Je ne vous ai rien pris du tout. Assurément. Assurément. Adieu, va-t'en à tous les diables. Me voilà fort bien congédié. Je te le mets sur ta conscience, au moins. Voilà un pandard de valet qui m'accommode fort. Et je ne me plais point à voir ce chien de boiteux-là.